grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 23e épisode, Les amours d'Hermine Danglars. La soirée organisée dans sa maison d'Auteuil par le comte de Monte Cristo n'a pas manqué d'être fertile en émotions, surtout pour Hermine Danglars et Gérard de Villefort. Et la nuit de ce 6 juin 1838, chez les Danglars, fichtre, on va s'expliquer. Qu'avez-vous donc, Hermine ? Pourquoi vous êtes-vous trouvé mal en écoutant cette histoire d'enfant qu'a raconté le comte de Monte Cristo ? Parce que j'étais horriblement mal disposée ce soir. Comment ? Mais vous étiez au contraire dans d'excellente disposition quand vous êtes arrivée à Auteuil. Je vous assure, Lucien... Non, quelqu'un vous a fait quelque chose. Racontez-moi cela, je ne souffrirai jamais qu'une impertinence vous soit faite. Vous vous trompez, mon ami. Cornélie. Oui, madame. Que fait ma fille ? Elle a étudié toute la soirée, madame, et ensuite elle s'est couchée. Il me semble cependant que j'entends son piano. C'est mademoiselle d'Armilly qui joue, madame, pendant que mademoiselle est au lit. C'est bien, merci, Cornélie. Je n'aurai plus besoin de vous. Bonsoir, madame. Étudier toute la soirée. Je n'ai jamais vu un tel engouement pour la musique. C'est ridicule pour une personne du monde. Je suis à faire peur ce soir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Debray. Lisez-moi donc quelque chose, monsieur Debray. Vous allez vous fatiguer, baronne, en veillant si tard. Il est près de minuit. Monsieur Debray demeure bien loin. Monsieur Lucien, je vous déclare que je n'ai pas la moindre envie de dormir. À vos ordres, madame. Mon cher monsieur Debray, n'allez pas croire que je vous chasse, mais une circonstance imprévue me force à désirer d'avoir ce soir une conversation avec la baronne. Cela m'arrive assez rarement pour qu'on ne m'en garde pas rancune. Monsieur le baron, je ne voudrais pas vous importuner. Bonsoir, madame. Bonsoir. Savez-vous, monsieur, que vous faites des progrès ? Ordinairement, vous n'étiez que grossier. Ce soir, vous êtes brutal. C'est que ce soir, je suis de plus mauvaise humeur qu'ordinairement. Je viens de perdre 700 000 francs sur l'emprunt espagnol. Oui, j'ai enfin le compte exact. Oh. 700 000 ! Est-ce ma faute ? Je vous ai déjà dit de ne pas me parler caisse. C'est une langue que je n'ai apprise ni chez mes parents, ni dans la maison de mon premier mari. Parbleu ! Ils n'avaient le sou ni les uns ni les autres. Mais comme c'est étrange. J'avais cru que vous preniez le plus vif intérêt à mes opérations. Moi ? Je voudrais bien que vous me fissiez connaître en quelle occasion. Oh mon Dieu, c'est chose facile. Au mois de février dernier, vous m'avez parlé la première des fonds d'Haïti. Vous aviez rêvé qu'un bâtiment entrait dans le port du Havre, apportant la nouvelle qu'un paiement qu'on croyait remis aux calendes grecques allait s'effectuer. Je connais la lucidité de votre sommeil. J'ai donc fait acheter en dessous main tous les coupons que j'ai pu trouver de la dette d'Haïti. Et j'ai gagné 400 000 francs, dont 100 000 vous ont été remis. En mars, il s'agissait d'une concession de chemin de fer. 3 sociétés se présentaient. Vous m'avez dit que votre instinct vous faisait croire que le privilège serait donné à la société du Midi. J'ai suivi votre instinct et encaissé 1 million, sur lequel vous avez touché 250 000 francs. Où voulez-vous en venir, monsieur ? J'y arrive. En avril, vous dînâtes chez le ministre. On causa de l'Espagne et vous entendîtes une conversation secrète. Il s'agissait de l'expulsion de Don Carlos. J'achetais des fonds espagnols. L'expulsion eut lieu et je gagnais 600 000 francs, sur lesquels vous avez touché votre part. Vous avez donc reçu 500 000 livres cette année, dont vous avez disposé à votre convenance. Mais après ? C'est justement après que la chose se gâte. Il y a quelques jours, vous avez causé politique avec M. Debray et appris ainsi que Don Carlos était rentré en Espagne. Vous me rapportez la nouvelle. Alors, je vends. La nouvelle se répand. Il y a panique. Je ne vends plus. Je donne. Il n'y a pas d'autre mot. Mais voilà que la nouvelle était fausse. Et j'ai perdu 700 000 francs. Eh bien. Eh bien, puisque je vous donne un quart quand je gagne, c'est donc un quart que vous me devez quand je perds. Soit 175 000 francs. Ce que vous me dites là est extravagant. Et je ne vois pas pourquoi vous mêlez le nom de M. Debray à cette histoire. Si vous n'avez point les 175 000 francs, vous les emprunterez à M. Debray. Je le vois d'ici, ricanant près des 500 000 livres que vous lui avez comptés cette année, et se disant qu'il a enfin trouvé ce que les plus habiles joueurs n'ont jamais découvert, une roulette où l'on gagne sans mettre en jeu et où l'on ne perd pas quand on perd. Misérable. Oseriez-vous dire que vous ne saviez pas ce que vous osez me reprocher aujourd'hui ? Je ne vous dis pas que je savais, ni ne savais pas. Je vous dis, observez ma conduite depuis 4 ans, que vous n'êtes plus ma femme et que je ne suis plus votre mari. Vous verrez qu'elle a toujours été conséquente avec elle-même. Quelque temps avant notre rupture, vous avez désiré étudier la musique avec ce fameux baryton du théâtre italien. Moi, j'ai voulu étudier la danse avec cette danseuse qui s'était fait une si grande réputation à Londres. Cela m'a coûté, tant pour vous que pour moi, 100 000 francs à peu près. Je n'ai rien dit parce qu'il faut de l'harmonie dans les ménages. 100 000 francs pour que l'homme et la femme sachent bien à fond la danse et la musique, ce n'est pas trop cher. Bientôt, voilà que vous vous dégoûtez du chant et que l'idée vous vient d'étudier la diplomatie avec un secrétaire de ministre. Et alors ? Je vous laisse étudier. Que m'importe ? Puisque vous payez les leçons que vous prenez sur votre cassette. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que vous tirez sur la mienne et que votre apprentissage peut me coûter 700 000 francs par mois. Halte-là, madame. Ou le diplomate donnera des leçons gratuites, et je le tolérerai, ou il ne remettra plus les pieds dans la maison. Monsieur, vous dépassez les limites de l'ignoble. Raisonnons froidement. Je ne me suis jamais mêlé de vos affaires. Ne vous mêlez pas des miennes. D'ailleurs, qui sait si tout cela n'est pas un coup de jarnac politique? Si le ministre, furieux de me voir dans l'opposition, ne s'entend pas avec M. Debray pour me ruiner. Comme c'est probable. Mais sait-on jamais? Une autre fausse nouvelle télégraphique. Monsieur, vous n'ignorez pas que l'employé du télégraphe a été chassé, qu'on a même donné l'ordre de l'arrêter, mais qu'il a réussi à s'enfuir, ce qui prouve sa folie ou sa culpabilité. C'est une erreur. Oui, qui fait rire les niais, qui fait passer une mauvaise nuit au ministre, mais qui, à moi, me coûte 700 000 francs. Mais monsieur, puisque tout cela, selon vous, vient de M. Debray, Pourquoi ne pas vous adresser directement à lui? Est-ce que je connais Monsieur Debray? Moi? Folle créature en vérité. Que ces femmes qui se croient des génies, parce qu'elles ont conduit une ou 10 intrigues, de façon à n'être pas affichées dans tout Paris. Mais vous êtes fou! Mais depuis 18 ans, madame, vous m'avez caché une pensée peut-être, mais pas une démarche, pas une action, pas une faute. Tandis que vous vous applaudissiez de votre adresse et croyez fermement me tromper, qu'en est-il résulté? Grâce à ma prétendue ignorance, depuis M. de Villefort jusqu'à M. Debray, il n'est pas un de vos amis qui n'ait tremblé devant moi. Il n'en est pas un qui ne m'ait traité en maître de la maison. Ma seule prétention auprès de vous, je vous permets de me rendre odieux, mais je vous empêcherai de me rendre ridicule. Et surtout, je vous défends de me ruiner. Mais pourquoi parlez-vous de M. de Villefort? Que voulez-vous dire? Je veux dire, madame, que M. de Nargonne, votre premier mari, voyant qu'il n'y avait aucun parti à tirer d'un procureur du roi, est mort de chagrin ou de colère de vous avoir trouvée enceinte de 6 mois après une absence de 9. Mufle. Je suis brutal et je m'en vante. C'est un de mes moyens de succès dans mes opérations commerciales. Monsieur Debray, mon associé, me fait perdre 700 000 francs. Qu'il supporte donc sa part de perte et nous continuerons nos affaires. Sinon, qu'il disparaisse. Eh mon Dieu, c'est un charmant garçon, quand ses nouvelles sont exactes. Mais quand elles sont fausses, il y en a 50 dans le monde qui valent mieux que lui. Bonne nuit, madame. Le lendemain, 7 juin 1838. Si monsieur le comte est occupé, je l'attendrai dans la bibliothèque. J'ai tout mon temps. Bien, mon père. Son Excellence le comte de Monte-Cristo prie monsieur le baron d'Anglère de bien vouloir l'excuser. Il arrive tout de suite. Merci, mon ami. Je ne suis pas pressé. Bien, monsieur. Tout de même, j'espère qu'il va me recevoir avant cet abbé à l'accent italien. Je n'ai pas toute ma journée à lui donner. Pardon, mon cher baron, mais un de mes amis, l'abbé Busoni, que vous avez pu voir passer, vient d'arriver à Paris. J'espère que vous m'excuserez de vous avoir fait attendre. Oui, commandant. Mais vous avez l'air tout soucieux. Vous m'effrayez. Un capitaliste chagrin est comme les comètes. Il présage toujours quelques grands malheurs au monde. La mauvaise chance est sur moi. Je n'apprends que des sinistres. Le dernier en date étant cette banqueroute à Trieste. Ah. La nouvelle en est arrivée ce matin, à la première heure. Est-ce que votre banqueroutier serait par hasard Jacopo Manfredi? Eh, justement. Un gaillard qui payait comme un prince. Je me mets en avance d'1 million avec lui et voilà-t-il pas qu'il suspend ses paiements. Avec mon affaire d'Espagne, cela me fait une gentille fin de mois. 1 700 000 francs en tout. En vérité? Oui, mais enfin, ne revenons pas là-dessus. Et dites-moi donc plutôt ce que je puis faire pour M. Cavalcanti. Eh bien, lui donner de l'argent s'il a un crédit sur vous et que ce crédit vous paraisse bon. Oh, mais excellent! Il s'est présenté ce matin avec un bon de 40 000 francs, payable à vue sur vous, signé Busoni, et renvoyé par vous à moi, avec votre aval. Je lui ai compté à l'instant même ses 40 billets carrés, mais c'est pas tout. Il a ouvert à son fils un crédit chez moi. 5 000 francs par mois. Non, que veut-il qu'un jeune homme fasse avec 5 000 francs par mois? Si le jeune homme a besoin de quelques 1 000 francs de plus, je peux... Non, mais n'en faites rien. Le père vous les laisserait pour votre compte. Vous ne connaissez pas les millionnaires ultramontains, de véritables harpagons. Vous n'auriez donc pas confiance dans ce Major Cavalcanti? Moi? Mais je lui donnerais 10 millions sur sa signature. Tous ces Italiens de qualité ont l'habitude de se marier entre eux, n'est-ce pas? Ils aiment s'associer, enfin, associer leur fortune. Oui, oui, mais... Et ce Cavalcanti est un original. On ne montra pas de l'idée qu'il envoie son fils en France pour qu'il y trouve une femme. Mm-hmm. Et vous avez entendu parler de sa fortune ? Non, il n'est question que de cela. Seulement les uns lui accordent des millions et les autres prétendent qu'il ne possède pas un louis. Et votre opinion, à vous ? Ah, mon opinion est que tous ces Cavalcanti qui ont commandé des armées, gouverné des provinces, ont enterré des millions dans des coins que leurs aînés connaissent et font connaître à leurs aînés seuls de génération en génération. Je vois, oui. Et quand ces gens-là marient leur fils, leur donnent-ils des dots? Mais est-ce que vous voudriez marier Andrea, mon cher monsieur Danglars? Ma foi, cela ne me paraîtrait pas une mauvaise spéculation. Et je suis un spéculateur, moi. Ce n'est tout de même pas avec mademoiselle Danglars. Vous ne voudriez pas faire égorger ce pauvre Andrea par Albert de Morcerf? Car il est fiancé à votre fille, je crois. C'est-à-dire que M. de Morcerf et moi avons quelquefois causé de ce mariage. Mais Mme de Morcerf et Albert... Mademoiselle Danglars vaut bien M. de Morcerf, ce me semble. Et la dot sera belle. Surtout si le télégraphe ne fait plus de nouvelles folies. Et Albert porte un beau nom. Je suppose que les Morcerf ne le cèdent pas au Cavalcanti. Les Morcerf? Tenez, mon cher comte, vous êtes un galant homme, n'est-ce pas? Et de plus, connaisseur en blason. Eh bien, la couleur du mien est plus solide que celle du blason des Morcerf. Allons donc. Moi, quelqu'un m'a fait baron, de sorte que je le suis. Lui s'est fait comte tout seul, de sorte qu'il ne l'est pas. Bon, c'est impossible. Monsieur de Morcerf est mon ami, enfin, ou plutôt ma connaissance depuis plus de 20 ans. Moi, vous savez que je fais bon marché de mes armoiries, attendu que je n'ai jamais oublié d'où je suis parti. C'est la preuve d'une grande humilité ou d'un grand orgueil. Eh bien, quand j'étais petit commis, moi, Morcerf était simple pêcheur. Oh! Et on l'appelait alors? Fernand Mondego. Mais alors pourquoi lui donniez-vous votre fille? Parce que Fernand et Danglars étant deux parvenus, tous deux anoblis, tous deux enrichis, se valent au fond. Si ce n'est certaines choses qu'on a dites de lui et qu'on n'a jamais dites de moi. Ah, ce que vous me dites là me rafraîchit la mémoire à propos du nom de Fernand Mondego. Oui, j'ai entendu ce nom-là en Grèce. À propos de l'affaire d'Ali Pacha. C'est ça, précisément. Le voilà, le mystère. Et j'avoue que je donnerais beaucoup pour le découvrir. Oh, ce ne doit pas être bien difficile. Vous avez sûrement quelques correspondants en Grèce. À Janina. J'en ai partout. Eh bien, écrivez à votre correspondant de Janina et demandez-lui quel rôle a joué dans la catastrophe d'Ali Tepelin, un Français nommé Fernand. Vous avez raison. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? J'écrirai aujourd'hui même. Faites. Et si vous apprenez quelques nouvelles bien... scandaleuses, je vous la communiquerai. Comptez sur moi. Vous me ferez plaisir. Entrez, madame. Et merci de votre exactitude. Voilà bien longtemps, madame, qu'il ne m'est arrivé d'avoir ce bonheur de causer seul avec vous. Et à mon grand regret, nous nous retrouvons pour entamer une conversation bien pénible. Je suis venue à votre premier appel. Quoique certainement cette conversation soit encore plus pénible pour moi que pour vous. Il est donc vrai que toutes nos actions laissent leurs traces, les unes sombres, les autres lumineuses dans notre passé. Monsieur, dans ce bureau qui est le vôtre, j'ai besoin de toute ma raison pour ne pas voir en moi une femme bien coupable et en vous un juge menaçant. Et moi, je me dis que ma place n'est pas dans le fauteuil du juge, mais bien sur la sellette de l'accusé. Au fond des passions, au-delà du plaisir, il y a toujours un peu de remords. C'est pour cela que l'Évangile nous a donné pour soutien, à nous autres, pauvres femmes, l'admirable parabole de la fille pécheresse et de la femme adultère. Qu'avez-vous à craindre, vous autres hommes ? Que tout le monde excuse et que le scandale anoblit. Madame, vous me connaissez, je ne suis pas un hypocrite. Ou du moins, je ne fais pas de l'hypocrisie sans raison. Vous, mesdames, bien rarement, vous êtes tourmentées par des remords. Car bien rarement, la décision vient de vous. Vos malheurs vous sont presque toujours imposés. Vos fautes sont presque toujours le crime des autres. En tout cas, monsieur, si j'ai commis une faute, j'en ai reçu hier la sévère punition. Rassemblez tout votre courage, car vous n'êtes pas encore au bout. Vous ne voyez que le passé, et certes, il est sombre. Eh bien, figurez-vous un avenir plus sombre encore. Mais d'abord, comment est-il ressuscité ce passé terrible ? Le hasard. Mais non, madame, il n'y a point de hasard. Mais si, n'est-ce point par hasard que le comte de Monte Cristo a acheté cette maison d'Auteuil ? N'est-ce point par hasard qu'il a fait creuser la terre ? Par hasard, enfin, que ce malheureux enfant a été déterré sous les arbres. Pauvre innocente créature sortie de moi, à qui je n'ai jamais pu donner un baiser, mais à qui j'ai donné bien des larmes. Il n'y a pas eu d'enfant déterré. Comment ? Monte Cristo, en creusant au pied de ces arbres, n'a pu trouver ni squelette, ni ferrure de coffre, parce que sous ces arbres, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Que dites-vous ? Vous savez comment s'accomplit cette nuit douloureuse où vous étiez expirante sur votre lit, dans cette chambre de damas rouge. L'enfant vint et nous le crûmes mort. Je l'ai mis dans un coffre et allai l'enfouir en hâte dans le jardin. C'est alors que le corse me frappa. Je me traînai jusqu'au bas de l'escalier et parvins à vous rejoindre. Il fallait garder le secret. Un duel fut le prétexte de ma blessure. On me transporta à Versailles où pendant 3 mois je luttai contre la mort. Enfin, je partis pour Marseille où ma convalescence dura 6 mois. Je n'entendis plus parler de vous. Et je n'osais m'informer de ce que vous étiez devenu. Quand je revins à Paris, j'appris que, veuve de Monsieur de Narcone, vous aviez épousé Danglars. Durant tout ce temps, je n'avais pensé qu'à ce cadavre d'enfant. Aussi, à peine de retour à Paris, je m'informai. La maison n'avait pas été habitée depuis que nous en étions sortis. Une nuit, j'allai à Auteuil et pénétrai dans le jardin. Là, tout ce que je me disais depuis 1 an dans mon agonie continuelle se présenta à ma pensée. Ce corse qui m'avait déclaré la vendetta, qui m'avait frappé de son couteau, m'avait vu enterrer l'enfant. Il pouvait en arriver à vous connaître. Il était donc urgent que je fisse disparaître les traces du passé. Je me mis donc à creuser la terre, croyant à chaque instant sentir de la résistance au bout de ma bêche. Mais rien. Je fis un trou 2 fois plus grand que n'était le premier. Le coffre n'y était pas ? Non, vous dis-je. Mais il y avait de quoi devenir fou ! Je l'espérais un instant. Mais je n'eus pas ce bonheur. Et rappelant mes forces et mes idées, je me demandais, pourquoi cet homme aurait-il emporté ce cadavre ? Vous l'avez dit. Pour avoir une preuve. On ne garde pas un cadavre pendant 1 an. On le montre à un magistrat et on fait sa déposition. Or, rien de tout cela n'était arrivé. Eh bien, alors ? Il y a quelque chose de plus terrible pour nous, Hermine. L'enfant était vivant. Et le corse l'a emporté, l'a sauvé. Mon enfant était vivant. Vous avez enterré mon enfant vivant. Vous n'étiez pas sûr que mon enfant était mort et vous l'avez enterré. Que sais-je, madame ? Oh ! Oh, mon pauvre enfant ! Vous comprenez, Hermine, que si cet enfant vit et si quelqu'un sait qu'il vit, ce quelqu'un a notre secret. Et puisque Monte Cristo parle devant nous d'un enfant déterré là où cet enfant n'était plus, ce secret, c'est lui qui l'a. Dieu, Dieu juste. Dieu vengeur. Mais cet enfant, qu'est-il devenu ? Oh, que je l'ai cherché. Finalement, je me suis dit qu'il l'avait peut-être mis aux enfants trouvés. Et en effet, j'ai appris à l'hospice que cette nuit du 20 septembre, un enfant de sexe masculin y avait été déposé. Il était enveloppé d'une moitié de serviette en toile fine, déchirée avec intention. Cette moitié de serviette portait une moitié de couronne de baron et la lettre H. Tout mon linge était marqué ainsi. Merci, mon Dieu, mon enfant n'était pas mort. Non, il n'était pas mort. Vous dites cela sans crainte de me faire mourir de joie. Oh, Gérard, où est-il? Je ne sais pas. Oh, non. Une femme, 6 mois plus tôt, était venue le réclamer, avec l'autre moitié de la serviette. Elle avait fourni toutes les garanties que la loi exigeait, on le lui avait remis. Mais il fallait vous informer de cette femme, la découvrir. Mais je l'ai fait, madame. J'ai fait une instruction criminelle, on a retrouvé ses traces jusqu'à Châlons. Mais là, on les a perdus. Perdus à jamais. Et vous vous êtes borné à cela? Mais non, je n'ai jamais cessé de chercher. Mais aujourd'hui, je vais recommencer avec plus de persévérance et d'acharnement que jamais. Et je réussirai. Car ce n'est plus la conscience qui me pousse. C'est la peur. Gérard, le comte de Monte Cristo ne sait rien. Sans quoi il ne nous rechercherait point comme il le fait. Avez-vous remarqué ses yeux? Tandis qu'il nous parlait. Non. Croyez-moi, cet homme a d'autres projets. Voilà pourquoi j'ai voulu vous voir. Dites-moi, Hermine, vous n'avez parlé de notre liaison à personne. Mais à personne. Jamais. Jamais. Vous ne tenez pas de journal. Non. Vous ne rêvez pas tout haut. J'ai un sommeil d'enfant. Ne vous le rappelez-vous pas, Gérard? C'est vrai. Eh bien. Eh bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Avant 8 jours d'ici, je saurai ce que c'est que Monsieur de Monte Cristo, d'où il vient, où il va, et pourquoi il parle devant nous d'enfants que l'on déterre dans son jardin. C'était Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrier et Serge Martel. Aujourd'hui, 23e épisode, Les Amours d'Hermine Danglars. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, alias l'abbé Busoni, Pierre Santini. Gérard de Villefort, André Oumanski. Danglars, Alain Mottet. La baronne Danglars, Claire Morier. Lucien Debray, Gilles Guillot. Baptistin, Jacques Maire. La femme de chambre, Istar Sherba. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 12 novembre 1980. Vous pourrez le télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. La suite, demain, à la même heure.